Thank you. Le seul homme ferme ta gueule. Accepte la débarque. Ne parle pas mal de Mr. Baggins. Où tu finiras seul, je suis pas méchant. Mais je peux être dangereux sans faire exprès. Je suis pas un petit écolier de lu. Je suis pas tout sec, mec. Je suis pas tout sec, non, non. Parle pas mal de mes phases. Tu les as pas lues, appelle-moi Magic Bongo. Je défonce comme une vie par où. Sauf qu'à la place de l'eau, j'aurais glissé un peu de nitro ou glycérine. Merci à Zox pour la rime. La soirée va être folle. Vas-y, je t'en prie, ramène des copines. Je suis un espéreur. Un sourire, je suis faux tueur. Je smile. Pendant que toi tu défourailles tout plus de monde avec mes phases que tous tes potes quand ils écrasent un chip tout seul. Moi y'a trop d'oreilles qui m'ont à l'œil. Et tout n'est pas si facile quand il s'agit d'avoir du style. Regarde, gynéco il est parti en vrille. Moi je roule des pets plus long que la bite de Rocco. Si Freddy en érection, j'y goûte en direct. Écoute mon son, alors fais gaffe garçon. C'est l'inondation d'endorphine quoi. Je t'avais pas dit de ramener tes copines. Fais le point sur un oscillo de bas en haut, de haut en bas. Et tu t'en bats les couilles tant que le son est là, tu t'en bats les yo. La leçon est là, tu mets mal. Comment veux-tu pour